عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. Donc le chapitre, un nouveau chapitre, le chapitre de Al-Janaba, c'est-à-dire la souillure ou bien l'impureté mineure, la souillure mineure, la souillure majeure, excusez-moi, Al-Janaba. Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré ou bien l'a croisé dans les rues de Médine. Et Abu Huraira était en état de janaba. Il nous dit fankhanastu minhu, c'est-à-dire je me suis éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est rentré chez lui faire al-ghusl. Ensuite donc il est revenu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit où étais-tu ô Abu Huraira? Il lui a dit j'étais en état de janaba et j'ai détesté être en ta présence en n'étant pas en état de purification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit subhanallah, c'est-à-dire il a été étonné de cela en lui disant innal mu'mina la yanjus, c'est-à-dire que le croyant n'est jamais impur. ففي هذا الباب باذن الله تبارك وتعالى سنرى بعض احكام الجنابه واحكام الغسل. الأمور المتعلقة بالجنابة وبالغسل وكيفية الغسل وموجبات الغسل، كذلك سيأتي حديث في حكم المني هل هو نجس أم لا. قبل في هذه الدقائق قبل الإقامة سنأخذ بعض المسائل. أولا تعريف الغسل أو الغسل، فيجوز في اللغة العربية أن تقول الغسل أو الغسل. فالغسل هو إفاضة الماء على الشيء، وإفاضة الماء على الشيء، وفي الاصطلاح هو تعميم البدن بالماء بنية خالصة لله تبارك وتعالى. هناك فرق بين الغسل والغسل. الغسل يكون للبدن والغسل يكون للأعضاء وللثياب وللأفرشة. تقول مثلا أني غسل الأعضاء، لا تقول غسل. الغسل خاص بإفاضة الماء على شيء، لا تقول غسل الثياب، تقول غسل بالفتح ولا تقوله بالضم. والجنابة هو لغة مأخوذ من الجنب بمعنى البعد. قال الله تبارك وتعالى والجار ذي القربى والجاري الجنب. الله عز وجل عندما ذكر حقوق الجيران قال الحق في الجار ذي القربى، يعني الجار القريب، سواء قريب من ذلك أو قريب في قرابته، يعني من أهلك أو قريب في الديانة يكون مسلما مثلك. والجار الجنوب، يعني الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة ولا اشتراك في دين. فسمي الجنوب يعني جنوبا لأنه يبتعد عن الطهارة، أنه ليس بطاهر حتى يغتسل. وكذلك هو مجانب للعبادة، فإنه لا يصلي حالة جنابته، وكذلك مجانب للمسجد، وكذلك لأن الملائكة تتجنب الجنوب حتى يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ رواه أبو داود. Donc nous avons un mot que l'on appelle el-ghusl ou bien el-ghusl. Donc ces deux mots, on peut le prononcer rousl ou bien rousl. Donc c'est le fait de se laver. Le fait de se laver. Et nous avons un autre mot qui est proche de cela, qui est el-ghasl, avec une fatha. Et donc il ne faut pas confondre les deux choses. El-ghasl, c'est lorsque l'on lave toute chose. Par exemple, on lave ses mains. On dit raslu el-yadein. On ne dit pas ruslu el-yadein. Ou bien rasl el-rijlein, laver ses deux pieds. Ou bien raslu el-thiyab, le fait de laver un vêtement. Mais lorsqu'on lave tout son corps, on dit el-rusl. Ou bien el-rusl. Et le deuxième mot qui nous intéresse, c'est le mot janaba. Le mot janaba. Et donc, el-janaba, dans la langue arabe, ça vient du mot donc junub, qui veut dire être en état de janaba, qui veut dire le fait d'être loin. On l'a dit dans le Coran, wal-jari junub, c'est-à-dire le voisin éloigné, c'est-à-dire il est éloigné de ta maison, ou bien éloigné de toi du fait qu'il n'a pas de lien avec ta famille, ou bien qu'il n'a pas de lien avec toi religieusement. Et donc la personne qui donc est en état de janaba, elle a été appelée ainsi car donc elle s'éloigne de la purification jusqu'à donc qu'elle se lave. Elle s'éloigne également de l'adoration, du fait qu'elle ne peut pas prier jusqu'à ce qu'elle se lave. Certains ont dit qu'elle ne peut pas également lire le Coran. Certains ont dit également qu'elle ne peut pas rentrer à la mosquée, etc., etc. Donc la personne, elle est loin de toutes ces choses-là jusqu'à ce que elle fasse, donc elle reçoit. Et également les anges s'éloignent du genou jusqu'à donc qu'ils se purifient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il y a trois personnes donc que les anges n'approchent pas. Jifatul kafir, c'est-à-dire le corps mort d'un mécréant, ou al-mutadammikhu bil khalouq, la personne qui s'enduit de parfum entièrement. La personne en état de janaba, à moins qu'elle fasse ses ablutions. فهناك امور يمنع منها الجنوب. اولا الصلاه. فمن كان على جنابه لا يجوز له ان يصلي وهذا باتفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. وكذلك الطواف. الطواف لا يجوز للجنب أن يطوف بالبيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت. إلا أن لا تطوفي بالبيت. وكذلك المكث في المسجد. الجنب لا يجوز له أن يجلس في المسجد حتى يغتسل. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. الله عز وجل في الشق الأول من الآية منع من قربان الصلاة في حالة السكر. ثم في الشق الثاني هو النهي عن قرب مكان الصلاة. مكان الصلاة كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أنه النهي عن قرب مكان الصلاة؟ لأنه قال إلا عابر سبيل. فالشخص يجوز له أن يمر بالمسجد وهو جنوب. مثلا شخص جنوب يخرج من هنا ويذهب هنا ويخرج من المسجد. أما أن يجلس ومع الناس وإن كان لا يصلي فهذا لا يجوز لقول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. Donc il y a des choses que la personne en état de janaba ne peut pas faire. Première chose, la prière. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah azza wa jalla n'accepte pas la prière d'un d'entre vous lorsqu'il n'est pas en état de pureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc à plus forte raison lorsqu'il est en état de janaba. Également à tawaf. La personne qui est en état de janaba ne peut pas faire le tawaf autour de la Kaaba. Lorsque Aïcha radiallahu anha a eu ses menstrues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: fais tout ce que fait le pèlerin sauf le tawaf. Donc jusqu'à ce qu'elle, ses menstrues passent et qu'elle fasse les grandes ablutions. Également, le jeune homme ne peut pas rester à la mosquée. Le jeune homme, la personne tajanama ne peut pas rester à la mosquée. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit: ô vous qui avez cru, ne vous approchez pas de la prière, ou bien ne priez pas lorsque vous êtes ivre. Hatta ta'lamu ma taqulun, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Ensuite il dit: wala junuban illa abiri sabil, ni en état de janaba sauf la personne qui passe, sauf la personne qui il fait qu'un passage. Donc c'est une interdiction. Au début c'est une interdiction de prier lorsque la personne elle est ivre, et dans la seconde partie du verset c'est une interdiction de s'approcher de l'endroit où l'on prie, c'est-à-dire la mosquée. C'est pour ça que Allah a dit: sauf celui qui y passe. Donc il est permis de passer à la mosquée en état de janaba, mais surtout pas d'y rester. Surtout pas d'y rester. هناك أمور أخرى سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.